Albuquerque, Jenny, Kini Bangara Fet. Albuquerque, Jenny, Kini Bangara Fet. Tai de Gebe, Fid Dakar, Fatou Kineta Meru Pupete. Yako Bomanga Nanu. Qui apprenga na we bakumisa yo ole ici bae basala sekeye na kitoko zanango yeba okosamba na yawe pona mboko koma tina ya libaku pona moto nyonso oche bangali sona yo ata olongwe na pongi. Loco la depuis naissance, oh la la te. Soki aussi qui baye baka pourtant. Pourquoi na benga kayo fille de rêve. Na elongi a kanande babonae. Missi à l'amour. Pena kolela na e na katia matanga. Godard Kwanza, les jokers de l'Europe. Noëlla la princesse de Liège. Yaka otianga kambaki soki aprenga na nare basembola yo ole isi fosoye oya kokundanga amba na bote ozanango yo moto bomwana nde peche katamboka okoma si j'ai un scandale ata na bankoko. W Penapitra Oche weli sona yo ata olongwe na pongi. Toujours épatante lokola osukolaka kati ya ndoto. Jibele Koran tango tambolaka bamonaka polele. Ma raison etinda na bosana nyonso. Quelquefois c'est comme si okolinga kokweya. Trop de fois miso ya bato nyonso ete la kaboza na taille de gepe. Chilobo, fais-nous encore des galipettes. Cela me rappelle Quasimodo. Mutanganga Rufa. Soki tamberonga na koloba boye. Oye komiseri ukini na komi kopanga. Mute na yo enyongi ngai. Le dos contre le mur, le moins d'un coup, pour y'en a qu'on t'a réfugié, et pas y'a pour y'a qu'on commande, pour ça la constaté, et chaotique et langa, et qu'un accidenté, pas plus mami ou un sahé, bébé. Babo tabassi la mort qui l'y est, Babo tabassi la mort. Toute l'amour ne te va si bien et l'amour ne te va pas. Tu restes une des énigmes de ces siècles qui s'achèvent. Et n'a noué. Firme avantage victime du saut qui j'assens. N'a noué, oh bien mananga. Motonanga, oh bimbisa n'a pas question. Oh et soit réponse, et ça une seule sur mille. Zalina nyango, batinda na monde oyo. Est-ce que okowa, teloko la bato bako waka. Nani bonanga, ya vulnerable ou batisa mwa. Moli la chmeje, ya mamaye. Yero ngombo, l'élégance kilométrique. Nanoue, ofina bongo nanga. Moto nanga, ne ovimisa na mituna. Est-ce que oko apelo kola basi mosusu? Na ndenge na ngai ya moto pamba obakisi lisusu kyo. Nze kokolo koleki na yo akomi kasae. Yebisela nga na grand poete Simaro Masia. Abakisi selanga po me kozanga na kati nzembo yo na mongongo na yo bibi pia Edi Constantine yokae Restaurant La Différence 2001 chez Mère Vicky et Claude à Londres. Nous en Colombo, bagage. Moka oyo etumba, ilolongo magini etumba. La vie est un combat pour la cause, c'est ni kabunda. Moka oyo etumba, lora babingi ekini etumba. La vie est un combat pour la cause, c'est ni kabunda. Bunda te, nani abungela ya. Kisha Blaise Luminuku, Blaise Kimtioka.